Kone Panzani. José Kongolo Mibeko. Ya dada, Rino Matadi Boutine. DJ Rissel. DJ Evra. DJ Pablo Jean-Paul. Honorable Zakari Bababasso. Jean-Marie Kikonda 5G. Lucia Sassai. Loris de la Congolia. Cédric Lutumba Nio. Naoli la Perle Ra. Linda Kenzo. Andrea Preston. Asta Pink, Ladies, Abidjan, Ivoirienne. Jabani Record, Gilbert Bilali. Ladi Louya les plumes d'or. Loumama, on va cogner les mazas, il a fait chat. Toussaint Sambé. Honorable Ariette Wam. Solange Ouazabanga. Pichu Batoko, ma binga. Papi Angoro de Nancy. International. Alexandre Polino. Tania Smith. Clepen Mbila. Chipe Charadi. Maître Dibiron de Chungura. Marmoud Sabat. Paul Alex, le grand Nigérien Ingwebini de l'Afrique. Guimalela. Junior Aziz Django Travel. Claude Wonga les banquiers. Fabrice Mola trop de car. Jericho la papa d'histoire. Charles Tabou à la vie des stars. Imaloubanga, Meldoa, Boîte Noire, Chetika à Bruxelles. Maître Coco Caillou de Missam ou avocat de la cour. Honorable Serge Kayembe, Baraka, DJ Brown. DJ Amarula, Cédric Mourinho, Mohamed Mwamba, DJ Frank l'esclave du travail. DJ Erickson le Zulu. Chansi Mokade, Kunga Yves Ikando Gino Star des Affaires Chez Tuki Panda Patron Taxi France Chantal Mabotsi Obed Miyembe Alicia Overdose Karine Karichou Arnaud de Matiki Base Solide Christian Pico Cédric Toutonda Maria Malouba, le capitaine de l'équipe nationale. Brazzaville, yena kitete yeye bango bakati sagana ite. Kesia Masamba. Marobena bite ye kutendo lele bino bakati sagana ite. Niku Makiese Willy de Campo Max Chibuy Willy de Mela Unité Centrale Joël Mabuda Grâce Mbizi Charlie Lapacha à Bruxelles Honorable Alpha Bokole Toke, Mame Harris Nsambu Toke Oh, hey, hey, hey, hey, hey Dani Ngongo Tosa Pambe, Pambe, Pasa Pambe Mobali Mobimba Gile Kita Sa 44 Yodomo Zala de Mandumba Shida Ibu la femme africaine Nakati Singe Azuaga Serenge Serenge Yabambi Gifwele Thierry Moussamba Diego Miziki ya Kiki Matondo Et Napoli Pemba Sangonayo esalinga pasi Esalinga pasi makasi